Salut Zachro, c'est le Big Ben. Et Antithèse. Juste un gamer. Luc Biron. Et c'est eux. Pour le podcast des Zachro, nous sommes l'édition du... excusez-moi, du 8 octobre 2013. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va super bien. Ça va occuper, mais ça va super bien. Numéro 1. Alors, on a des petites surprises pour vous autres ce soir, ma gang de chanceux. Tout d'abord, c'est le retour des CE après combien de mois? Dernier, c'était juin. Donc, vous êtes chanceux, vous allez avoir une petite chance de le voir avant qu'il disparaisse pour quelques temps. Mais c'est correct, il se donne une pause ce soir pour venir nous jaser. Comment ça va, CE? Bon, ça va bien. La vie personnelle, ça va bien. Tous ces trucs-là, j'ai pas vraiment de problème. Alors, avant tout, on va aujourd'hui tout de suite avec notre invité de ce soir, Monsieur Luc Biron. Bonjour. Qui est officiellement, le titre officiel, président, je crois bien, du Dianime de Gatineau. En fait, c'est plus que ça. En réalité, je suis président de la Société d'animation japonaise de Gatineau, qui est la SAJJ, qui organise Janime. OK. Et le Festival de Gatineau. Fait que je suis le président sur le comité, mais aussi je suis le président de la Société d'animation japonaise de Gatineau. T'es le big boss. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est un poste, à mon avis, pour dire je suis suicidaire, je vais faire la job dégueulasse. Mais c'est bon. Bon. Fait que, mes amis, préparez vos questions, parce que là, on va jaser avec Luc Biron. Si vous avez des questions concernant le J-Anime qui aura lieu au mois de janvier prochainement. 24, 25, 26. 24 ou 26, préparez vos questions dans le chat, on va y poser et toutes les questions sont permises. Alors, préparez-vous. Ouais. Luc Biron, il est prêt à recevoir toute votre salade. Ouais, je suis habitué. Croyez-moi, il y en a eu de la belle hier. Hein? Ah, je ne savais pas. Pourquoi tu as passé un épisode à quelque part? Non, je pense que ton commentaire est déjà marqué sur mon mur de Facebook. Et je pourrais faire une capture d'écran et le mettre sur votre site web, peut-être. Sans on pourrait bien. On pourrait bien, mais moi je préfère mieux que ça soit original. Ça. Bon, ben, bon. Ça nous tente de faire ça là, pour commencer. Non, c'est ça. On va t'épargner. On est très très friendly aux accros. Ben oui. Fait que, écoute, Luc, tu vas nous parler un petit peu du J-Anime parce que, sérieusement, dans les quatre qui sont ici, il n'y a pas personne qui est allé aux dernières éditions. Pourquoi que. C'est quoi d'abord le J-Anime? Ben, J-Anime, c'est le festival d'animation japonais et de culture geek le plus cool au Québec. Ok? Tout simplement. Oui, tout simplement, je veux dire, regardez, je suis président. Non, sans blague, J-Anime, c'est le festival qui a été le premier à mettre le contenu français en avant dans ce genre d'événement. Okay. Point final, j'en connais pas d'autres qui ont fait ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau francophone, le premier festival qui a percé du genre au Québec, ça a été Otakuton à Montréal. Mm-hmm. Ils ont percé seulement parce qu'ils ont fait une présentation français et anglais. Mm-hmm. Le contenu français a jamais été poussé à Otakuton, d'ailleurs, il ne l'est pas. Encore aujourd'hui, même avec un budget quasiment illimité, vous allez pouvoir aller vérifier la liste d'invités. Trouvez-moi un doubleur français qui a fait de l'animé, qui vous a marqué dans votre jeunesse. Ils n'ont jamais fait venir. J'anime a fait ça depuis la première année. Et on a trouvé qu'un des doublages d'une série d'animé avait été fait au Québec récemment, qui n'avait pas été disponible. Et c'était un excellent doublage, c'est le Chevalier Déon. Donc, on a fait venir la deuxième année, on a fait venir Nicolas Savard-Herbier. Nicolas Charbonneau-Colombet, Catherine de Boulot, je crois, puis Jean-Nicolas Dolan. Ils sont tous des doubleurs québécois, donc connus dans le milieu, bien entendu. La première année, on a fait venir Marc Bellier, c'est celui qui a adapté les Transformers puis les G.I. Joe. Okay. Et bien entendu, on avait eu les Simpsons sur place avec dès la première année. Donc, on n'avait pas vraiment de budget à l'époque. Mm-hmm. Avec le temps, ce qui est arrivé et ce qui arrive en partie, c'est que bon, J-Anime, c'est un festival de compromis. Il a été créé parce que les Anglais à Ottawa refusaient de donner du contenu français, puis même de dire « Hey, il y a des francophones qui viennent à notre festival en grand nombre, soit 50%. » Donc, ils avaient des preuves suffisantes directes dans leur face. Et d'ailleurs, je leur ai même montré qu'il y avait 50% de francophones. Et ils ont continué à nier. Ils le nient encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que leur festival est en train de crever. Merci, la Confédération. Merci, c'est ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à Gatineau, ben, j'ai trouvé le Palais des Congrès. Il y avait juste deux événements à l'époque. Il y avait Otakuton et il y avait Janimé qui commençait. Et moi, j'ai fait, ben, je vais bloquer les entrées au pont d'Ottawa parce qu'ils vont avoir un événement à Gatineau qui va être francophone. On va être capable de toucher les francophones beaucoup plus facilement. Et c'est ce qu'on fait. Et avec le temps, on a prouvé qu'on a une des meilleures programmations. On est très fort sur la programmation et sur les invités uniques qu'on ne peut pas avoir partout ailleurs. L'année dernière, j'ai eu la voix de Sailor Moon en anglais, qui était impossible à avoir, Terry Hawks. Et j'ai eu Jackie Berger, qui est la voix d'Esteban dans les Mystérieuses Cités d'Or. Donc, intéressant. Et l'autre année d'avant, bien entendu, nous avons eu Frank Pitiot. Est-ce que quelqu'un, si je dis Frank Pitiot, je suis sûr que vous allez dire, c'est qui? C'est qui? C'est Perceval de la série Kaamelott. Ah, ok. Donc, c'est pas compliqué. On est spécialiste là-dedans et cette année, on manque pas notre coup non plus. Pourquoi? Parce non, c'est qu'on ça. A. Peux-tu nous jaser des invités de cette année, ouais? Bien sûr. Alors, on va commencer avec celui qui va intéresser la majorité de votre groupe. Ça s'appelle le joueur du grenier. J'imagine que vous le connaissez pas. Il y a juste 3 millions d'abonnés sur sa chaîne. 1 million d'abonnés ou 2 millions d'abonnés. Il n'a jamais fait une vidéo spéciale pour CE. Non, je pense pas. Non, j'ai jamais parlé de ma vie. Non, même pas. Non. Même pas sur Internet. Ouais, c'est ça. Fait que. Il va être là à Gatineau. C'est organisé avec lui. C'est merveilleux sur ce point-là. Je vais avoir. Bien entendu, c'est pas juste Frédéric Wallace, mais c'est Sébastien aussi Racia qui va être sur place avec. Donc déjà en partant, je vous dis tout de suite, il n'y a aucun autre festival qui va les faire naître, c'est sûr et certain. Pas à court terme en tout cas, ça je peux vous le garantir. Il y a deux autres festivals qui sont intéressés à faire naître des invités francophones, mais ils n'ont pas encore les budgets pour... Ça va venir, mais ça va prendre encore 2-3 ans. Ok. Donc, au minimum, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire naître. Une autre chose aussi qui va arriver, qui est vraiment, qui va arriver prochainement, qui va être vraiment cool dans les invités, c'est qu'on va, on va annoncer Thierry Bourdon, qui est la voix de D'Artagnan de Sous le signe du mousquetaire. Ah, oh, ça, j'aimais ça. Ouais, non, non, non. Oui, c'est ça. Puis c'est un bon doubleur qui a fait plein d'autres séries. Il a travaillé dans Albator, il a fait la voix de Ramis du jeune. Il travaille encore dans des doublages. Il est encore très actif dans les doublages, mais on le voit pas souvent justement à télé parce que les doublages animés japonais, on les voit pas souvent. Mais il a fait la voix de Lelouch dans Code Geass. Il a fait la voix aussi de Kira Yamato dans Gundam Seed, entre autres. Donc, puis il a travaillé aussi dans les Dioscar, en tout cas, dans tous les gros titres, là, George Lee, tout ça qu'on a vu ici en animé japonais, Kinect France, il a été là. C'est un super bon doubleur, il est super sympathique. Et bien entendu, il est ami avec Jackie Berger. Donc, vraiment cool sur ce point-là. Mais bon, c'est un petit monde fermé, les doubleurs. C'est vraiment intéressant. T'en attrapes un, puis là, après ça, t'es capable de trouver toutes les autres en chaîne. C'est très plaisant. C'est cool. Oui, non, vraiment. En plus de ça, ben là, vous allez dire, ouais, ok, mais... Je suis sûr que vous allez dire, ouais, mais moi, j'écoute pas l'anime. Je suis sûr que toi, Ben, on a eu une discussion, toi puis moi, Ben, là-dessus. T'as dit, moi, je suis allé à Otakuton, mais... Je savais pas c'est quoi, puis j'ai décidé quasiment de rentrer dans la salle de Yaoi. Je te rappelle, oui, effectivement, que je me suis dit, c'est quoi? What the fuck is Yaoi? Puis jusqu'à temps que tu me dises que c'est ouais, des affaires homosexuelles. Oui, non, t'as passé à deux pas, parce que c'est dangereux pour un homme de rentrer dans l'atelier de Yaoi. Ben, c'est pas spé. J'ai été avec ma blonde, puis même Alpha était à côté de moi, puis il était comme, on sait pas c'est quoi. Ben, en parlant du loup. Bon, ça dépend, c'est ça, c'est ce qui arrive. Bonjour Alpha! Oh! Lui aussi, il a son micro fermé là. Ouais, hein? Alpha! Google Hangar va faire ça pour le. Quand okay. C'est passe 4 personnes. Ok, tout le monde en arrête. Alpha parle. 1-2-1-2, patate poêle. Maudit, ouais! Patate. Alors, ouais. Oui, je jasais Alpha du moment où on est allé à l'Otakuton puis on voyait la section Yaoi, on s'est demandé c'était quoi, qu'on a bien fait de pas rentrer. M'attendez-vous 30 secondes, ça sonne à la porte pour une raison X, là. Oui, si c'est un témoin de Jéhovah, tu lui donnes un coup de pied dans le cul, s'il te plaît. Donc, comme je le disais... Oui. C'est ça, vous, genre, en règle générale, vous aimez pas nécessairement l'animé ou quoi que ce soit, parce que justement, ben, vous êtes plus dans le jeu vidéo, vous connaissez pas ça, vous avez pas nécessairement l'accès au. C'est l'accessibilité, je te dirais, qui est plus compliquée pour ce qui est des animes que bien d'autres médias, je te dirais. Ouais, ben, oui, puis non, c'est beaucoup plus facile maintenant que ça l'était, surtout en français. Il y a quand même Crunchyroll qui est disponible en anglais. Moi, personnellement, mon opinion sur les anglophones, sur la traduction, c'est ils savent pas traduire, puis ils américanisent tout, donc touchez pas ça avec une pointe. C'est vrai. Oui, c'est ça. Puis, mais on a quand même des compagnies qui distribuent légalement, en ligne, gratuitement, de l'animé. Wakanim.tv en est une, puis ils ont débarré l'épée pour le Québec. Fait que, puis ils sont les meilleurs pour choisir les séries. Kill la Kill, là. En ce moment, là, c'est sur la drogue et c'est excellent. Mais bon, grosso modo, vous connaissez pas l'animé, en règle générale, fait que vous allez dire, j'ai pas l'intérêt d'aller à J'animé à cause de ça. Mm-hmm. Là, je vous ai bien entendu le joueur du grenier. Mm-hmm. Bon, fait que j'ai aussi quelque chose qui est nostalgique, même si vous connaissez pas l'animé, vous avez déjà vu sur le signe des mousquetaires ou presque. Mais en plus, on a l'orchestre, on a trois concerts durant le week-end. Ok. Trois concerts. Ça coûte combien un concert? Ça peut coûter entre 20$ allant jusqu'à 400$ si tu t'appelles Madonna. Okay. Je payais... Un concert avec un orchestre de musique symphonique. Ça m'a coûté 70$ pour deux billets pour le Video Game Live. Ok. Donc on peut dire que c'est à peu près 35$? À peu près 35$ chaque, okay. Ouais. Là, j'ai un groupe qui est l'OGV, qui est l'orchestre de jeux vidéo qui va être là. Mm-hmm. Ok, qui est un concert qui est gratuit, vous n'avez pas à payer plus de un surplus. Le vendredi, j'ai deux autres concerts. J'ai un concert de J-pop avec Oshifuru, et j'ai un concert avec Press Start to Play, qui est de la musique de électronique de jeux vidéo 8 bits. Oui, ça va être vraiment très bon. Donc, avec ça ici, là, vous avez déjà trois shows, puis ça vous coûte 40$ en ce moment après règle pour le week-end, ou 50$ à la porte pour le week-end. C'est très bien. C'est très très pas cher là, quand vous considérez ça. On a trois spectacles. Mais là, vous oubliez, on a une salle de jeux vidéo. Ok. Et quand je vous dis qu'on a à peu près toutes les consoles, je niaise pas, je pense qu'on n'a pas de Virtual Boy. Mais on a une 3DO qui va marcher. Je vais avoir un mal de tête. Je pense que tu veux garder les yeux pour des gens pour l'année prochaine. Si tu veux qu'ils reviennent, là. Ben, c'est ça. Puis on a deux arcades ou trois arcades sur place. Donc on va avoir une machine de pinball avec. On a le Carta Magica qui organise des tournois de cartes. On a des jeux de board, des board games. Puis bien entendu, on a un autre invité de marque que vous connaissez tous, j'espère. C'est le testeur Alpha. Yeah! C'est qui ce gars-là? Ouais, bon, vous pouvez être jaloux, puis vous pouvez maintenant se rappeler. C'est n'importe quoi, ça. C'est correct, vous faites ce que vous faites entre vous, mais attendez la fin du podcast, puis s'il vous plaît, essayez de me le garder à un morceau pour vous. Non, Luc, t'as pas compris. On bâche pas entre nous, on te bâche. Ouais, c'est ça. Il y en a qui veulent leur table d'échange, hein, j'aimerais le rappeler. Non, par contre, tu sais qu'il y a aucun de nous qui écoute des années, c'est un petit peu préjugé. Je dis, après tout, on a fait un podcast sur. Mon voisin Totoro, mon dieu. Ouais, bon, vous allez tomber sur ce que les produits qui sont pas mal, ce qu'on appelle le mainstream. Ouais, le ce qui est disponible au grand public, particulièrement par Disney, entre autres, qui est associé avec le studio Ghibli à 100%. Mm-hmm. Donc, d'ailleurs, ils ont des très bons titres. On en passe quelques-uns, mais c'est pas notre spécialité là-dedans. Ce qui est le fun aussi à J'animé, c'est qu'on vous trouve des titres qui sont pas disponibles ici. Moi, comme je vous dis, je fais juste venir mon animé de France. Donc, je fais venir une sélection de France, de ces séries qui viennent juste de sortir, qui vont être doublées. Il y a une salle qui est doublée en français, il y a une salle qui est sous-titrée en français. Et c'est toutes des affaires légales et qui sont disponibles et achetables. D'ailleurs, acheter en français, ironiquement, ça coûte moins cher qu'acheter en anglais. Ah bon. OK. Et oui, j'ai inclus le shipping là-dedans. Ok. C'est juste un châle de faire jouer. Le DVD, ça va, c'est pas trop pire, mais c'est le Blu-ray qui est un châle. Ok. Ah bon? Wow. Là, Luc, si tu viens à un podcast comme ça en ce moment, là... Ouais, t'as envie de me tuer. Non, aucunement. Non. Écoute, il faut que tu comprennes une chose. Il faut que tu nous laisses une petite exclusivité. Écoute, quelque chose que t'as pas encore dit à tout le monde. J'ai pas encore dit à tout le monde. Ouais. Il y a quelque chose qu'il faut que tu nous annonces. Ouais, attention, là, ça va virer sexuel bizarre. Là. Ben non. Si tu veux faire quelque chose d'étrange, je peux te laisser tout seul avec Jug. Wow. Bon, sérieusement, On ne va jamais. C'est quelque chose de bien. Le problème qui arrive, c'est que j'ai déjà pas mal annoncé toutes mes affaires. Par contre, je peux vous dire que l'exclusivité, c'est que j'ai déjà un gros invité pour 2015 qui est déjà réservé, que j'ai manqué. Pour 2015? Wow, tu vois en avance, c'est cool. Oui, il est déjà réservé parce qu'il devait venir en 2014, il a pas pu, mais il me dit excuse-moi, je t'ai trop fait niaiser, je vais être là en 2015. Bon. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Au moins, rassure-nous, t'as eu un code sur le deal parce qu'il t'a fait, parce qu'il lui l'a dit, il t'a niaisé. Attends un instant, là. T'es pas besoin de ça, là. J'ai l'air de Comic-Con, moi. Non, sérieusement, j'ai-tu l'air d'une place où ce que les invités arnaquent la place qui les fait venir, puis arnaquent les personnes qui viennent signer des autographes à coût de 100$ puis de 200$? Je sais pas à quel point c'est de la faute de l'invité. Là. L'invité, il faut qu'il se fasse payer. C'est le Comic-Con qui choisit cette méthode-là. Non, Alpha. Mais... c'est vraiment l'invité qui demande, parce que c'est l'invité... Je le savais! Mais l'invité, si l'invité, il dit, regardez, donnez-moi 20 000$. Donnez-moi 20 000$, puis... En plus, il y a le salaire, en plus, des fois, de... Regarde, je peux pas... J'ai promis de pas en parler avec Oscar, parce que je connais ça, mais c'est l'invité puis le marché. Il y a eu un invité qui est arrivé la première année, qui faisait partie de l'animé, qui s'appelle Vic, Manto Vic. Qui est la voix de Full Metal. Mm-hmm. Vic qui est d'ailleurs très mauvais, à mon avis, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Et il voulait pas charger pour ses autographes, mais toute la pression des autres l'ont forcé à mettre un prix sur ses autographes. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est le marché anglophone. Et généralement, ils vont tous demander un cachet. Les francophones, ils demandent jamais qu'ils soient français ou anglais. Français ou québécois ne demandent jamais un cachet. Ils demandent le transport et l'hébergement et la bouffe. Ouais, donc, c'est déjà de la visibilité que tu as. Personnellement, je vois rien de mal avec ça. Et ça, c'est un autre sujet. On va partir à un autre débat encore. Ouais, ben garde. On te réinvitera, Luc, avec la plupart des organisateurs. Mais, puis personnellement, je suis pas d'accord avec ça parce que ça prend les conventions en otage, littéralement. Et certains, d'ailleurs, de ces invités-là, je dirais un bon 25%, se foutent royalement de leur cosplay, de leur invité. Je pense que Bret Hart, qui textait sur son téléphone similaire. C'est que Bret Hart textait. Ouais, c'est ça, c'est vous-même qui l'avez dit, quelque chose dans le genre. Puis j'ai entendu des histoires d'horreur avec des invités. Comment ils ont agi, comment ils se sont pris n'importe comment avec les gens. Puis personnellement, j'ai jamais été fortement d'accord. C'est une des raisons aussi pourquoi j'invite le plus les invités anglophones à mon festival, en tout cas les grosses montures. Et on fait venir beaucoup d'invités de communauté avec aussi. Comme vous pouvez voir, Alpha est un invité important, mais on a Julien Manterne, on a JF Bibo, on a toujours des cosplayers du Canada qui sont là comme costumiers, justement. Et j'essaie toujours même d'avoir un anglais local. On est toujours fort là-dedans. OK. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va aussi avoir un festival de brownies. Donc, Big Ben, qui n'est pas encore sorti de son placard. Je t'emmerde, Luc Biron. Je t'emmerde. Je n'écoute pas ça pantoute. Ouais, regarde, ils disent tout ça après l'avoir écouté, ils sont tous corrompus. En tout cas, j'ai fait un review de ça. Va voir lui. C'est moi qui avais de la vidéo sur Phantom Miss Magic et. T'as été corrompu? Non, pas exactement ce qu'on fait. Ce qu'on fait, que. Comme je le répète, c'est le fandom qui me fascine pareil, c'est pourquoi je. Ouais, non, ça c'est important. Admettre que je suis sur Québec Brownies parce qu'ils me fascinent. Jusqu'au moment où ils font leur bébé Lala. Quand ils font leur bébé Lala, turn off total. Ça, il faut que je le dise aussi. Bon, c'est toujours de même avec toutes les communautés, là. Mais, tout ça pour dire que oui, mais les Brownies, c'est fascinant à regarder, à étudier. D'ailleurs, on a une association avec. True Ottawa, qui est le festival de brownies d'Ottawa, qui devait avoir lieu à Narutuyu, mais ils ont décidé de changer de place. Et ils ont décidé de venir à Gatineau à place, ce qui fait qu'on a le premier festival d'Ottawa de brownies, puis en même temps, on a le premier festival de brownies au Québec, ce qui est un peu ironique. Mais bon, fait que on va voir des brownies. On leur donne une salle le dimanche, on les laisse s'amuser là-dedans, il n'y a pas de trouble. Entre animaux. Non, entre animaux, c'est les fans de yaoi. Non, c'est une blague. Non, c'est... j'ai regardé les My Little Pony. Je comprends pourquoi le monde aime ça. Pas... Je verrais pas Bo-Roni en passant, là, mais... Écoute, moi, personnellement, je trouve qu'une histoire pour enfants qui est bien faite. J'ai pas trippé. J'ai regardé ça, j'ai fait, ok, c'est un bon show, mais est-ce que ça mérite le hype? J'ai fait, je le comprends pas. C'est un peu le même que je ne comprends toujours pas. Surestimé. Je peux te comprendre que c'est surestimé. Oui, oui. Je veux dire, écoutez, je suis, en plus, théoriquement, là, je vais être honnête, là, je suis un gars de Sojo, là, d'affaires pour filles cute. Un magical girl, là, il n'y a pas de trouble, je vais l'écouter, je vais me faire du fun écouter ça. Parce que c'est quand même le fun, ça, faut l'avouer. Les. Non, je te parle vraiment les Magical Girls, là, Keten, là, grâce. C'est pas Magical Girl. Non, ouais, mais pire, là, je dis, t'as Sailor Moon qui est Keten, là, mais même en bas de ça, c'est, ça marche avec moi, là. Ben, c'est parce que Sailor Moon, si tu vas passer la première saison, ben, c'est, ça peut être assez dark. Ça peut être assez profond. Madoka, c'est dark. Madoka, Poluella, ça c'est dark. D'ailleurs, vous allez voir. C'est vrai. Nouveau podcast qui va s'en venir bientôt de Luc Biron et de Antithèse qui vont jaser de Magical Girl. Parce que dans pas long, je vais les mettre dehors. Hey! Ça toi aussi, Ben. Un Magical Girl que j'ai adoré, qui était tellement mauvais qu'il est devenu bon, c'est Mermaid Melody Pitchy Pitchy Pitch. Allez voir ça. Nope. Ah, écoute, les méchants sont tellement mauvais, ça fait peur, là. Incompétent pis mauvais. Tu sais, vous pensez de la Pokémon que les méchants sont caves, là? Non, c'est un nouveau palier de stupidité, là. Le piège, vous venez les petites sirènes pour les avoir, là. Pis là, bien entendu, les méchants, ils capotent quand ils se mettent à chanter, tu sais. Pis là, elle les a fait venir ou quelque chose dans le genre. Pis là, la fille est comme, ah, je les ai eus. Oh non, j'avais pas prévu qu'est-ce que je faisais quand je les avais attirés ici! Luc. Je vais me calmer. Hein. Excel Saga. Okay. Bien sûr, Excel Saga. Qui est-ce qui connaît pas ça? Moi. Comment? Mamouzi. Absurde! Il y a un creux dans la série. C'est, écoutez, l'héroïne crève 3 fois en 7 minutes 50. C'est bien cool. Ouais, puis c'est la grande volonté de l'univers qui la réussit. Hey! Il y a juste Beto qui a réussi à battre le record. De quoi? De mourir plus souvent. Oui, ben non, Beto n'a pas réussi à crever. Puis c'est la grande volonté de l'univers qui la réincarne. Effectivement. Parce que, justement, il pourrait pas avoir d'histoire si elle meurt. OK. Exactement. Là-dessus, écoute, avant de nous quitter, je veux juste que tu nous expliques 2 choses, OK? Oui. Première, what the fuck is l'enchère au célibataire? Okay. Oui, c'est super cool ça. Nous autres, on fait un enfer cool. Au célibataire avec des jeunes en cosplay. Okay, parce que des fans d'animé, ils font toujours un trip sur leur personnage d'animé. Donc, il y a du monde qui arrive en costume, qui se font vendre pour une journée, pour passer leur journée avec. Et les profits, ils s'en vont en une œuvre caritative. Là, cette année, ça va être la Croix-Rouge pour Megantic. OK. Fait qu'à mettons, j'arrive avec CE. Je le déguise en Luffy. Ah, Luffy, j'écoute pas One Piece. Ok. Moi, admettons, oui. Admettons que je le vends, là. Combien que je peux espérer de CE, là? Comment ça, tu peux? Je sais pas, je vais être honnête avec toi. En règle générale, quelqu'un qui réussit bien, qui a le bon costume, qui a le bon sex appeal, va faire entre 50 et 192 $. Ben voyons donc. J'ai eu quelqu'un qui a fait 192 $ la première année. C'est pas cher pour un one night, ça. Oui, et ma fille, il est facile de prendre 50 Faut arrêter, là. Luc nous prendra plus au sérieux. Il pense qu'on... Ah, parce qu'on est sérieux? Ah, on est sérieux? Si vous montez sur scène, OK, puis vous faites, je vais vous dire, vous avez du courage. Autrement, vous dites que vous comme ça, mais ça veut dire juste que vous êtes une gang de poltrons. OK. Alpha! Je te propose qu'on aille vendre Beta juste pour voir. Ah, c'est une bonne idée, ça. Non, mais j'en ai besoin. Beta risque d'être occupé le week-end, fait que malheureusement... J'en ai besoin, Beta. Oui, ouais, pour quelques heures, franchement. Généralement, on pourrait mettre une limite, mettons, 2 heures, juste pour Beta, puis il se fait frapper comme il faut, puis that's it, il revient, il est top shape. On essaie de planquer Beta un petit peu dans plusieurs séries. De toute manière, Beta va être pas mal en travail durant le show du gros Baka. J'ai comme l'impression qu'il va manger des claques. Oui, je m'attends à ce qu'il soit la tête de sucre de tout le monde, incluant le joueur du grenier. Il faut absolument que le joueur du grenier se mette à frapper sur Beta. Je sais pas, mais j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça pour le joueur du grenier sur ce point-là. J'attends des nouvelles de lui, justement. D'accord. Et dernière chose, rappelle-nous des informations par rapport au J&M, s'il te plaît. Ben voyons, c'était à Gatineau, au Palais des Congrès de Gatineau. Donc, juste avant le pont, avant le pays des barbares qu'on appelle l'Ontario. C'est correct. C'est correct, hein? Donc, c'est au 50 de maison. Pas encore qui se sont déclarés ontariens. C'est correct. Oui, non, c'est ça. Bien entendu. C'est au Palais des Congrès et vous pouvez aller sur le site www.gnm.ca. Ça coûte 40$ pour inscrire pour le week-end. Ça, c'est super important. Vous pouvez vous inscrire sur le site et vous allez aussi trouver de l'hébergement à rabais avec 3 hôtels, dont le Sheraton, le Best Western et le Crown Plaza de Gatineau, qui sont tous à distance de marche ou reliés directement au Palais des Congrès. Et bien entendu, tous les tarifs sont fixes pour les hôtels. Donc, vous prenez votre chambre, vous vous loadez à 4, puis vous avez le même prix par nuit. Donc, ça vous coûte à peu près entre 230 à 300$, taxes incluses, grosso modo, là, pour 2 nuits, pour une chambre pour 4 personnes, là, grosso modo. Le site internet de J&M, c'est janim.ca. Oui, www.g-anim.ca ou gamine.ca, oui. Alors, merci beaucoup, Luc. Je vais te laisser aller parce que ça a l'air qu'il y a un show qui passe en même temps que notre podcast qui s'appelle genre Agent of S.H.I.E.L.D. Ça a l'air que c'est un gros show. Je connais pas, fait que je vais te laisser y aller. Ça m'arrive d'écouter des affaires. Je tiens à ce que tu sois encore vivant pour le mois de janvier. Je devrais l'être. Oui, ça devrait. Je passe 2 jours à Ottawa, mais bon, les tentatives d'assassinat sont pas si nombreuses que ça. T'es carrément le gars que je connais qui a le plus de hate envers les Ontariens. Oh, inquiète pas, c'est réciproque. Je veux pas te garantir. Okay, la communauté anglophone d'Ottawa veut ma tête. En tout cas, voulait ma tête. Là, maintenant, plus ou moins, mais c'est pas grave. De toute manière, comme je vous dis, qu'est-ce que vous pas, la chasse en Ontarien, c'est juste légal au Québec. Je le fais pas en Ontario. Ah, OK. Ça me rassure. C'est bon. Fait que merci beaucoup. Puis on se reparle prochainement. Restez attentif aux nouvelles des accros. Parce que la plupart des accros y vont cette année. L'année 2014, je veux dire. Et non pas l'année 2013, parce que ça a déjà passé. Mais on va être présent en 2014. Alors, la plupart des accros vont être présents. Si vous voulez venir nous dire un petit bonjour, ça va être le temps idéal. Soyez là, parce que... Et soyez sûr que si vous pouvez le manquer, les accros vont au moins vous couvrir une partie du festival, vous montrer qu'est-ce que vous allez manquer. Mais manquez-le pas parce qu'on a beaucoup d'activités, puis on a vraiment un contenu de première classe. Et même si on a l'air roulé par des imbéciles, ce qui est pas mal le cas, mais pareil, on sait de quoi qu'on parle quand on parle d'animé. Ben, merci beaucoup, Luc! Merci, passez une bonne journée, au revoir. Salut! Bye! Oui, vraiment exclure Luc Biron. Oui. Non, c'est un joke. Vas-y, Luc, vas-y. Il est fermé, là. Il a pas l'air de vouloir fermer. Piton en haut à droite. À part ça, gars, comment ça va? Ah! Ça va. Papi, bien chez. Grosse journée, fait que je suis arrivé en retard au podcast, mais. C'est correct, gars. De toute façon, on est là pour avoir du fun, la gang. Qu'est-ce que vous jouez cet ensemble? Wind Waker HD! Project Crosszone. Meep! Crosszone aussi et Mass Effect 2. J'ai commencé le 2. Des jeux de marde comme d'habitude. Et à partir de demain, Injustice. De mon côté, Mass Effect 3 et Legend of Zelda Oracle of Age que j'ai acheté sur la 3DS. Nice. Oui. T'as pris Season aussi? Non, parce que Season, je l'ai en Game Boy normal. Ah, ben c'est mais tu peux mieux. Pas les lier après. Non, fait que je vais essayer de finir Season à la Game Boy. C'est avec des passwords, peut-être ça peut marcher. Peut-être que tu peux lier Season in Ages sur 3DS. Non, mais moi, par exemple, si j'ai une cassette. Avec ouais, password. C'est pas un coin, c'est un password, c'est ça, on s'en calisse. Ah, peut-être. Je vais regarder. Hein? Ils les ont-tu gardés? Je sais pas. Mais je vais envoyer je vais demander ça à la gang, ceux qui sont en ce moment live sur YouTube ou sur Twitter. Est-ce que vous savez si ça fonctionne? Utiliser le mot de passe qui est sur Game Boy pour le mettre sur la 3DS. Répondez-nous. Et en échange, vous allez avoir un CE qui vous donne un câlin. Un quoi? Un CE qui vous donne un câlin. Un shout-out. On vous l'enverra par la poste. Oui. Il va, on ne sait pas s'il va être frais quand il va arriver. Oh, je suis méchant avec CE. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oui. C'est très rare qu'on te voit durant le podcast. C'est exceptionnellement ce soir qu'on peut te voir. Quel bon moment d'amène. Je peux revenir. Hein? C'est pas... Ou je peux partir aussi encore. Non, tu peux rester comme tu veux. Là-dessus, écoute, CA, tu voulais jaser particulièrement quelque chose qui t'affecte énormément. Je sais que ben, tu as une petite montée de lait. Tu m'en as parlé aussi, je me suis dit, ben, je vais me joindre à toi pour en parler. Là. Si ça touche deux personnes sur le site, c'est quand même pas. C'est pas petit, je trouve. C'est juste côté Blip TV. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont membres de ce site d'upload de vidéos. J'essaie. Non. Okay, c'est quoi? On peut-tu expliquer pour les noobs? Blip TV, c'est un vidéo, ben pas une vidéo, un site web comme un peu YouTube, tu uploads tes vidéos. Okay. Puis tu sais, il y a un bon player de bonne qualité. C'est bien statistique. Moi je l'utilisais pour mettre mes vidéos, mettre les M sur accrodesjeux.com. Comme ça, je trackais bien mes statistiques de visionnement sur accrodesjeux.com. J'utilise okay. ça depuis. J'utilise ça depuis 2-3 ans quasiment, ça fait depuis ma vidéo de Captain Planet, donc ça fait quand même un bon moment. Donc je mettais tout le temps ce player-là, mais dans 30 jours, ils vont supprimer mon compte selon eux parce que le contenu n'est pas assez bon. Même chose pour Big Ben. Mm-hmm. Et moi, je pense qu'ils n'ont aucune idée de toute façon c'est quoi le contenu parce que personne parle français sur ce site-là. Alors je sais pas comment ils peuvent se faire une opinion normale là-dessus. Et ouais, c'est peut-être ça leur argument là, genre vous êtes franco, fait que il y avait pas vraiment d'argument potable dans le forum de support. Ça disait juste si vous avez une bonne série de qualité, on vous garde. C'est le seul argument, c'est pas une question de fréquence de postage de vidéo, c'est pas une question de c'est peut-être les visionnements, mais c'est pas encore indiqué. Donc dans 30 jours, toutes les M que j'avais mis sur accrodesjeux.com avec Blip vont disparaître. Il va falloir changer de player pour toutes les vidéos. C'est déjà une grosse perte de temps. Leurs arguments sont pourris. Il y a mieux garder des personnes qui se font de l'argent parce que oui, c'est un truc que tu peux te faire de l'argent. Moi, je recevais. C'est un jeu que la plupart de ceux qui sont sur Channel Awesome utilisent ce lecteur là pour leur financement finalement. OK. Puis j'ai mentionné un gars dans mon statut comme un gars Linkara, je sais pas si vous le connaissez. Ben oui. C'est un gars de Channel Awesome, mais ce gars-là carrément il crache dans la main des publicitaires qui lui offrent de l'argent. Il veut que les gens lâchent Adblocker pour que le monde check les pubs, mais juste pour ses vidéos, tu sais, pour que lui fasse de l'argent parce qu'il veut pas se trouver une job. Et il va pas les vidéos comme une sorte de, tu sais, de petit argent à côté. Non, pour lui, c'est, il veut vivre avec ça, puis il se donne pas la peine d'aller chercher un travail. Et là, il encourage les gens à quitter Adblocker, même si c'est pour protéger leur PC souvent, ou des trucs comme ça, mais en tout cas, tu craches pas dans la main de ceux qui te nourrissent, en tout cas. Puis non. C'est ce qu'il fait, il garde ce genre de personnes-là. Parce qu'il y a des views. Il génère de la pub, c'est un des plus populaires sur MTV. C'est un des populaires, d'après moi, oui, j'imagine. Merci. En tout cas, le plus, c'est Nostalgia Critic, il n'y a aucun doute. Là. Oui, Nostalgia Critic, Chicks, comment s'appelle ton chum. La plupart de ceux qui font partie de Dagger of the Glasses utilisent ce player. Je les regarde plus depuis un bon moment. J'ai pas mal arrêté Nostalgia Critic. Apparemment, il avait quitté, il est revenu. Il est revenu. Justement, ouais. Le site pognait plus, fait qu'il avait besoin d'un peu de revenus, donc il est revenu. Donc, Je sais pas trop ce que ça a donné. Moi, j'ai de mon temps, j'ai utilisé surtout Blip parce que la qualité du vidéo était vraiment bonne. Ouais. Parce que faut se rappeler qu'à l'époque, que quand moi et CE, on a commencé à Acro, il y avait deux lecteurs qu'on utilisait avant. C'était YouTube. Dans le temps, YouTube, la vidéo était compressée à une qualité de merde. C'était merdique pour le son, surtout. Là, ça coupait à des places par rapport, souvent. Des fois, tu avais un décalage d'à peu près 20 secondes avec ta vidéo. Dans le son. Oui. C'était vraiment horrible. Le YouTube que vous avez là, en ce moment, là, il est vraiment différent du YouTube qu'on a eu il y a 4 ans. Là. Il y a 4 ans, là, c'était une autre histoire. Là. Je ne l'ai pas connu, non. C'était YouTube. Là, je suis arrivé dans la bonne partie, je pense. Oui. Puis, on avait... Oui, vas-y, vas-y, antithèse. Non, je disais oui pour approuver ton commentaire. Ben. Ah, ok, ok. Et il y avait TacTélé, qui avait une communauté francophone incroyable, mais que le lecteur n'était jamais utilisé, il était jamais updated. Fait que. Les qualités vidéo étaient bonnes, c'est ça l'affaire, mais souvent il y avait des problèmes avec les AMD. Souvent le site il buguait à un certain temps, c'était quasiment plus visionnable ce site-là. Donc. Là, on essaie de se tourner vers un autre lecteur, finalement. Oui, fait que nous autres, dans le temps, on s'est allé vers Blip, parce qu'on pensait que avec la qualité du vidéo était intéressante, et surtout que, parce que tu peux faire de l'argent avec aussi sur ce player-là, et on trouvait que c'était très, très intéressant ce qu'ils offraient. Mais bon, malheureusement, on vous recommande pas d'aller chercher un compte Blip si vous êtes des vidcasters ou des YouTubers. Ça ne vaudra pas la peine. Ils vont vous couper ça comme à moi pis CE. Je sais pas ça date depuis combien de temps. Moi, j'ai vu sur le forum, ils parlent de mars 2013 qu'ils ont commencé à faire ça. Donc, peut-être on est dans la dernière batch qu'ils coupent ou ils ont pris du temps à nous trouver parce qu'on faisait du contenu français. Peut-être, je sais vraiment pas. Non. Je confirme qu'il y a le podcast de Nerd from the Turn d'entre autres de Christine Thompson qui va subir le même destin que vous et que à partir du 7 novembre, c'est fini. Ouais, 7 novembre pour moi aussi. Nous autres aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Puis c'est pour ça qu'on. En tout cas, on voulait protester, mais on voulait juste vous en jaser un petit peu. Ça vous tente-tu d'embarquer dans les nouvelles? Oui! Tout d'abord, je vais demander à Antithèse de créer de même, naturellement, un thème. Faut-tu créer un thème de même? Oui. De celui qu'on bitch Xbox. Parce que c'est rendu récurrent. Là. Toi, tu veux une toune, dans le fond. Il faudrait une toune, là. Une toune qui inspirait de la haine envers Xbox One, s'il te plaît. Ben écoute, j'ai déjà une mini-inspiration qu'on peut prendre qui peut être temporaire. C'est que tu prends le « Fuck ma vie » de ta sœur à toi. Ouais, ça pas le même... Tu sais, on est rendu tellement running gag. Dick in a box? Dick in a box? Non, j'aime pas la vulgarité gratuite à ce point-là. Je vais travailler. Écoute, là, attends une minute, là, on va prendre ma guitare. Puis... C'est bon. Fait que, écoutez, je vais vous dire un petit texte qui a été dit par Youssef Mehdi, qui est un gros big box de chez Microsoft, qui s'est réuni avec une sorte de, dans une salle où est-ce qu'il y a des gens de l'industrie qui se sont réunis. Et il y a une phrase, je vais vous la dire en anglais et vous allez me dire ce que vous allez en penser. It's early days, but we're starting to put that together in more of a unifying way. And hopefully, at some point, we can start to offer that to advertising broadly. Mon anglais est pourri, je le sais. Donc, traduction. Broadly. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez jouer, par exemple, si vous voulez jouer avec un tel jeu, vous écoutez tel film, Xbox va l'enregistrer, puis ils vont vendre cette information-là. C'est illégal. Ta ta ta ta. Non, parce que Gmail, là, Google le font aussi. C'est quoi? Ils vont viser, ils vont vous faire, ils vont vendre vos informations de ce que vous faites à des compagnies et qui vont orienter ça pour de la publicité. Non, mais ben, pas juste Microsoft qui fait ça et. Sauf que là, tu te le fais dans ta propre console de jeu. Mais ils vont en chercher loin. Aussi. Il y a une affaire sur Nintendo aussi que tu peux bloquer puis débloquer pour ça. T'as fait la même affaire? J'ai pas le... J'ai pas la Wii U, fait que je peux pas te, non, te mais dire. Ça, mais... C'était sur 3DS aussi. Puis... Mais moi, je reçois pas de pub sur ma 3DS. Non, hein. Parce que t'as choisi de pas de me recevoir. Quand tu pars des pubs, ça. Oui, tu peux le recevoir. Quand tu pars ta 3DS pour la première fois, là. Le Spot Pass? Il te le demande, puis ouais, il te l'envoie par Spot Pass. Ben, ouais, c'est des pubs, genre, le tel jeu sort bientôt. Ouais, c'est, mais... vraiment, c'est le même principe. Ben, c'est pas comme, il a regardé ce jeu-là dernièrement, fait qu'on va lui envoyer un truc qui ressemble. C'est pas vraiment comme ça. Tandis que là, c'est toute l'information que tu vas faire sur ta console. Donc, si tu écoutes un film avec un jeu X, ben, ils vont t'orienter de la pub considérant ça. Pareil comme Google. Ah bon? Fait que c'est beaucoup plus... tu sais, comme par exemple, là, tu pourrais quasiment avoir des pubs de la Scientologie. À cause de ça. Parce que, genre, t'as tapé Anonymous et... Cockroach. et Cockroach, ouais, genre. Tom Cruise. Tom Cruise, ouais. Fait que, tu sais, moi, excusez-moi, là, mais moi, là, je trouve ça vraiment louche. Et ça me donne encore le moins en moins le goût d'avoir une Xbox One. Savoir que Microsoft, là, ils vont me regarder, là, pis qu'ils vont me faire, ok, on comment va. Comment de moins en moins, t'en as jamais voulu. Ah, mais c'est ça! Ouais, mais là, sur une échelle de 1 à 10, moi, je suis rendu à moins 10. Tu sais, on dirait que je descends de moins en moins, j'ai comme moins en moins le goût de l'avoir, cette console-là. Ouais, mais quand t'es rendu dans le négatif, on peut déjà dire que, ok, t'oublies ça, là. Je voulais pas déjà parce que... t'es à moins 4, tu vas pas te dire, ah, ben oui, ben là, je vais m'en acheter une, j'étais à moins 4. Non, tu sais, non, c'est dans le négatif, c'est sûr, c'est non, là. Peut-être m'en acheter une, tu sais. Non. Le négatif est toujours possible. Alors, juste pour vous dire à quel point que je trouve ça vraiment dégueulasse, là. Autre nouvelle, je vais y aller avec Jug, mon cher ami. Je sais que tu te retiens depuis tantôt de nous dire ça par rapport à ton héroïne préférée. Ah, Shantae a eu plus que 850 000 $ pour son financement. Fait qu'on va avoir quoi pour Shantae Ask Genie Hero? Beaucoup de choses que j'ai pas listées là parce que je ne m'attendais pas à tout ce que tu me demandes celle-là. Ah, je t'ai eu, hein? Mais j'ai une autre nouvelle. Ah oui, t'as une autre nouvelle? Qui n'a pas rapport pas en tout à Shantae. Vas-y donc. Avez-vous vu la console de Mad Catz Mojo Android? Non. J'ai vu l'image rapidement, mais j'ai pas porté attention. Je me suis dit, ça ressemble à une autre Ouya, là. non, mais get this, là. Mad Catz, ils vont sortir une console qui s'appelle Mojo avec Jelly Bean dessus. Qui, et puis, le prix, là. 250$. Hein? Oh. Ils sont malades! C'était cher! C'est qui là-dedans, qui travaille là? Je sais pas, là-dedans, tout ce qu'il y a, là, c'est un processeur Tegra 4 1.8 GHz avec 2 GB de RAM, 16 GB de storage, puis c'est ça. Là. Puis là, ils veulent nous vendre ça comme une console Android à 250$. Là, je me dis, what the fuck? Il y a personne qui va acheter une console pour jouer des jeux poches d'Android, là? À 250 surtout. Ben non, God. C'est ça, là. T'sais, déjà, il y a, c'est quand même la limite, là. C'est du coup. Faut m'expliquer pourquoi qu'on veut chercher 250$ pour une console Android, là. Je paierais même. Tant qu'à ça, tu vas t'acheter une tablette d'Atit, là. Mais non, Chris, je vais plugger mon Samsung Galaxy S3 sur ma TV, puis je vais mettre une manette Bluetooth, parce que ça va faire la même calisse d'affaires. Et voilà. Tout à fait. Je vois pas l'intérêt, là. Sérieux, là. Faut m'expliquer. Faut que quelqu'un, là, dans les commentaires, me convainque que c'est une bonne chose, une console Android à 250$. Ben, t'as déjà Retro Game Throwdown qui dit console de Mad Catz, ça commence pas bien. on est bon arcade stick, mais c'est tout. Hein. Moi, je me rappelle. je sais pas. Moi, j'ai une tablette Android, puis je joue même pas dessus. Là. J'avoue que je suis pas un joueur qui joue sur mes consoles ou sur mon téléphone, tu sais, là. Fait que j'ai encore moins idée de vouloir jouer avec une console pluguée sur Android, puis qui joue des jeux à de la même façon que la Ouya, là. Je suis comme, non. Déjà que la Ouya a comme vraiment déçu tout le monde, là. Ah oui? Ben oui. C'est officiel. Ben, je ferai un review en passant bientôt. De la Ouya? Ouais. T'en as acheté? Et ça s'en vient dans mal. Ça s'en vient dans mal. Je sais qu'ils avaient un deal sur Amazon. Si t'achetais la Ouya, ils te donnaient 25$ cette semaine de jeux prépayés. Oh my god. Ceux qui la veulent, juste le dire. Ça doit être ce deal-là que t'as pris, Jug? Sûrement. Ah! Ça tombe, c'est pile poil. Tout à fait. Autre nouvelle? Je n'ai pas d'autre. OK. Moi, j'ai des nouvelles par rapport à Mass Effect 4. Qui vont utiliser le Frostbite Engine, qui est le gros engine qu'ils utilisent cette année pour tous les gros jeux d'EA. Hey, t'as peu, j'ai une. Ouais, vas-y. J'ai une grosse nouvelle pour vous autres. Half-Life 3, il n'y en a pas de nouvelles. OK, fini. Un autre, apparemment. Ça se peut. Oui, effectivement. Je suis pas au courant. Fait que c'est ça. Pour ce qui est de la Mass Effect 4, ils vont utiliser cet engin-là. Donc, c'est un engin qui est très, très performant pour ce qui est de. Mais pour les first-person shooters. Fait que probablement que ça va donner un très beau développement. Puis c'est notre gang de Montréal qui vont s'en occuper. En passant, c'est l'IA Montréal qui s'en occupe. Donc, j'ai hâte quand même de le voir. Autre nouvelle, DualShock 4 qui va être compatible PC. Jusqu'à temps que Microsoft décide de bloquer ça. Ils vont probablement mettre une patch à m'emmener quelque part dans Windows pour faire « Ah, non, on l'utilise pas. » Mais en ce moment, la nouvelle mouture de la manette serait on pourrait l'utiliser pour le PC. Comme la DualShock 3 aussi. Jug, est-ce que j'ai raison? J'étais dans l'une, j'ai rien compris. T'as regardé encore Jessica Nigri, à vous. Non, mais je checkais les nouvelles, là, OK, là, je surfais l'Internet, là, puis là, j'en profitais pendant que personne ne peut voir ma face, pour voir ce que je fais, puis là, je checkais les nouvelles, puis j'étais comme un zombie. D'accord. C'est tout ce qu'on trouve à dire. D'accord. All right. Ouais. C'est beau, hein. Sinon, à part ça, autre nouvelle qu'on a appris récemment, connaissez-vous la série de films New York 1997 ou Los Angeles 2013? Non. Avec Snake Plissken. Oui. Dommage qu'on n'a pas notre vieille amie Darth Maul qui est pas présent parce que lui, c'est un grand, grand fan de la série. Mais ben, ça a l'air qu'ils ont failli faire un jeu de lui en 2003. Et pour ceux qui savent pas, ben Snake Plissken dans ces deux films-là, c'est l'inspiration de Snake dans Metal Gear Solid. Iroquois Plissken. Mm-hmm. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu de film parce que à la seconde, le projet n'a pas abouti. Mais tu avais John Carpenter, Deborah Hill et Kurt Russell qui étaient dans le décor pour faire partie du jeu. Fait que c'est dommage, un petit peu. J'adore ces films-là. Allez-y pour Noël, pas pour Noël, mais pour l'Halloween. Là. Si vous cherchez un petit film post-apocalyptique, là, très très bon. De héros anti-héros, là. Un vrai de vrai. Un vrai anti-héros. C'est vraiment bon. Moi, j'aime particulièrement de Los Angeles 2013. J'ai un petit faible un petit peu pour celui-là. Le tout préfère le 2 que le premier? Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est le premier que j'ai connu, mais je l'aime bien. Intéressant. Sinon, pour ça, c'est assez tranquille dans le monde du jeu vidéo, parce que tout le monde est en train de jouer à GTA V. Donc, et non, je l'ai pas encore, moi. Alors, j'essaie de trouver d'autres choses, mais je suis pas capable. Fait que, ben écoutez, là-dessus, on va aller voir ce que le monde nous jase sur YouTube. Il jase que Kara est là. Salut Kara. Kara qui d'ailleurs, faut aller que là, en même temps que je dis ça, je dis qu'elle est là, j'ai gêné comme, c'est pour l'instant la Court of the Night. Fait que si les Dacro veulent battre cette courte-là, je serais curieux de voir ça. Elle dit, gagner une Xbox One équivaut à un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la vend? Ou est-ce qu'on la frappe à coups de masse? C'est vrai que c'est dur. Ben, écoutez, par souci d'environnementalisme, je dirais qu'il faudrait la garder pour éviter que les déchets se répandent encore plus dans la nature, parce que c'est assez toxique comme console. Ah, c'est pas fou comme réponse, ça. Mm-hmm. Ben, s'il y aurait des jeux de merde, je pourrais les laisser à Alpha. Il y en a pas. Je n'ai en masse. Écoute, ça va. Merci. Ça fait plaisir. Je me soucie toujours de la qualité de ta collection de jeux de merde. Alors, c'est pour cela. Mais sérieusement, là, moi, ce que je ferais, peut-être je ferais, tu sais, comme... Si tu es le premier à recevoir une console, tu décides de la sortir dehors, puis tu la pètes devant tout le monde. J'ai de la misère avec ça. Sérieux, là. Ça, c'est, c'est du gaspillage de mais ressources d'argent. Pas de calice de sens. Ça a l'air drôle, mais au final, ça revient à dire ça. Le monde d'en fil, ils vont juste te regarder hostie de câble. Non, mais tu veux dire, tu t'en vas gaspiller 300$ pour une console, puis tu t'en vas la calisser dans la rue, alors que tu aurais pu donner ton 300$ à quelqu'un qui en a besoin dans la vie. Ouais, genre. J'avoue. Dis, what the fuck, là? Allume, là. Allume tes cellules, à un moment donné. Là. J'avoue, je te l'accorde. Si ça va mal dans le monde, puis la pollution est à son comble, c'est à cause de toi, yes! Chris. Ah, il y a des chaînes sur YouTube, c'est carrément juste ça. Ils achètent les nouvelles bébelles, puis ils pètent. Juste ouais. Des coups de masse, ouais. Des fois dans bol de toilette. Il y en a un qui versait de la vodka sur son téléphone, juste pour essayer. Il y a quelqu'un, le même gars, je pense, que Seigneur parlait, a mis un iPad, le tout premier iPad dans un blender. Ah bon. Dans les plusieurs choses qu'il a sûrement déjà fait, oui. Fait que c'est, en tout cas. Sinon, à part ça, ben on a, je regarde rapidement le monde qui nous écrit. Je suis désolé pour l'attente. Gretro Game qui dit Nostalgia Critic est revenu. Effectivement, on le savait. Et aller chercher joueur du JDG pour une toune de haine, selon Kevin. Vous allez chercher JDG. Sinon, Vapor999 qui dit Mad Cats, une manette de GameCube ou bouton collé et un joystick pourri puis une carte mémoire corrompue. C'est prometteur. Ça, c'est vrai, oui. Le pourri de manette que le bouton A renfonçait ou le R qui pétait en arrière, le joystick qui lâchait, c'était très fréquent. Moi, je me rappelle qu'en début 2000, il y avait eu beaucoup. Ils ont failli fermer Mad Cats. Puis, il y avait. Nous autres, au magasin où est-ce qu'on travaillait, on avait reçu un papier d'eux autres, un mémo, disant que la nouvelle direction de Mad Cats promettait une garantie de 2 ans sur les jeux présents pour au cas où que... tu veux me jaser? Non? Excusez, Marie, elle me regarde dans le cadre de porte, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Ils promettaient une garantie de 2 ans sur leurs produits pour prouver à quel point ils étaient meilleurs. Je pense que la garantie n'a pas fait longtemps. Non, c'est ça. Vraiment pas. Fait que, non, c'est ça. C'est une petite histoire avec Mad Cats. Une compagnie qui a comme pas bepin. La qualité est pas vraiment dans son nom. À part pour les sticks d'arcade, j'en ai vu des pas pires. Plusieurs pros utilisent les sticks d'arcade Mad Cats. D'accord. Maglin, veux-tu dire un petit bonjour à tout le monde? Qui ça? Hey Titi, viens nous dire un petit bonjour, je pense que la gang veut te voir. Eh oui, on veut la voir. Yo! J'ai pas allô, fait... Marie! Allô, Marie! Allô, Marie! Alors, voilà, vous avez vu Marie qui est passée en arrière. Elle va revenir, inquiétez-vous pas, au podcast prochainement. Oh, boy, boy. Fait que là-dessus, on s'en va-tu faire un petit tour vers la Game Boy, à moins que vous ayez d'autres nouvelles? À part que c'est le 53e anniversaire de François Pérus. Oh! Bonne fête, François Pérus! J'ai passé 50 ans, on le dit plus. Là. J'ai mis la face à Alpha quand t'as dit ça, c'est gros boyment. Oh. Il a montré en même temps sa pochette de son nouvel album, qui ressemble, il a l'air d'une vieille affiche des années 50. Oui, c'est cool. C'est vraiment cool, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. La seule chose que je m'ennuyais, j'ai écouté le 8e tome, la seule affaire qui me manquait, je trouvais, là, c'était le gars qui magazine. Ah, il était temps, c'est pas... Il est temps, mais c'est pas la chose. Mona! Ouais, je m'ennuie du Mona, tu sais, je pense là-dedans, il appelle... Non, c'est vrai, il y a un qui se cache de lui, puis il va s'acheter un téléphone cellulaire, puis le vendeur essaie d'y vendre un téléphone cellulaire... genre intelligent, là. Le gars fait comme, je suis pas sur Facebook, je sais pas pourquoi je voudrais que je sois sur Facebook. Y a-tu une charte à quelque part qui est inscrite qu'il faut que je sois sur Facebook? Puis des gens qui partent là-dessus, là, puis c'est comme, ouais, c'est pas meilleur. Meilleur album, en passant à la gang, le meilleur album de François Pérusse selon vous autres, c'est quoi? Le premier. Le premier pour Jug. Écoute, c'est moi, dur à répondre. C'était dur à répondre. C'est à répondre, mais moi je peux te dire que j'ai quand même bien aimé. J'ai quand même bien aimé l'album Pirate. Ouais, c'est celui que j'avais en tête, moi aussi, bizarrement. L'album Pirate. Le tome 1 français. Le volume 1 français. Oui, c'est des remakes, mais c'est tellement bien fait en tant que remake. Surtout du passage culture québécoise à culture française que. Faut saluer son effort. Mais c'est encore populaire là-bas, ça n'a pas de bon sens. Juste, absolument. Je te laisse écouter le dernier joueur du grenier, puis il y a une toune de François Pérusse là-dedans, tu sais. Une toune de François Pérusse, la toune de la balançoire de François Pérusse. C'est d'ailleurs bien tapé, c'est hilarant. C'est, ça m'a vraiment fait rire, ce bout-là. Là. J'ai vraiment passé à rire, j'ai qu'en fait. Il l'a trop bien, là. Là-dessus, on va jaser de la Game Boy Advance. On va essayer de faire découvrir cette petite console-là parce qu'il y a certains collectionneurs qui, malheureusement, ne connaissent pas cette console-là. C'est étonnant. Comment tu fais pour ne pas connaître le Game Boy Advance? Je veux dire, what the fuck, là? C'est comme genre... Tellement. C'est le meilleur Game Boy qui a existé ever, là. Ben, c'est parce que, effectivement, c'est que si t'es comme moi, puis bien, tu connaissais la Game Boy Advance, puis bien que tu fais le saut du Game Boy... première génération à Nintendo DS, et également les premières générations DS Lite, ça te sert à quoi une Game Boy Advance, au fond? C'est pourquoi j'en ai une? Moi, je m'en suis acheté une. C'est quoi votre histoire, vous autres, avec la Game Boy Advance? Ben, ça torche. Non, mais je veux dire, le premier modèle de Game Boy Advance que t'as acheté? Le Glacier. Le gros modèle original, là. L'original, là, qui n'avait pas de... Pas le SP, là. L'original, la couleur glacier, là. OK. Antithèse, toi? Écoute, moi, c'est quand que ma DS... quand que mes trois premières DS ont... les boutons L et R, ils ont fini par fucker. Je me suis dit, fuck off, pour jouer à mes jeux de Game Boy Advance. Il y a quand même une bonne collection de jeux de Game Boy Advance. Et Game Boy Advance a également une librairie très, très, très, très, très, très, très complète. Je me suis dit, fuck off. Je veux le petit bidule et sa presse. Je ne peux pas vivre sans ça. Fait que t'as un modèle SP entre tes mains. J'ai le modèle SP entre mes mains, un modèle rouge. Donc, en passant, le seul défaut, puis ça, je juste, dans le fond, c'est vraiment une question. Si tu moins où il n'y a pas de jack pour mettre ses écouteurs, est-ce que c'est normal? C'est normal. Ah, c'est fait comme ça. Il fallait t'acheter un adapteur spécial pour le brancher dans la prise, tu sais, pour l'électricité, là. Fait que tu rentres ton jack là-dedans. Ils ont eu comme une passe genre Apple. Oui, c'est ça. Sacré Nintendo. Peux-tu juste rebaisser un petit peu ton micro, s'il te plaît? Parce qu'on t'entend respirer encore. Merci beaucoup. Alors, toi, c'est Moi, j'avais le modèle mauve foncé, le premier, je suis pas mal sûr que c'est le premier. Okay. Ouais, le mot, c'était le premier. C'était le premier. Je l'avais reçu à ma fête quand j'étais très jeune. OK. Toi, je pense, Alpha, t'en as jamais eu un encore, hein? Non, j'en ai jamais eu un. J'y ai jamais joué. Fait qu'il va falloir que vous me convainquiez que j'aille m'en acheter un après le podcast parce que... c'est pas vrai. Je n'ai déjà eu un que j'ai trouvé dans un centre de dépannage puis je l'ai vendu à Antithèse. Oui, c'est vrai, c'est le modèle Bob l'éponge. Bob l'éponge, oui. Qui a justement été un cadeau de cœur et de gentillesse à Trinity, qui est d'ailleurs le bidule de tout son cœur. Oh, arrête, t'es ben trop beau, t'es ben trop cute, là. Ben, écoute, moi, je suis en train de faire le ménage chez nous, là, puis si je retrouve mon Game Boy Advance là, glacier, là, je te l'envoie gratos, ce testeur. Hein? Tu ferais ça, toi? Ouais. Si il retrouve sa vieille édition, on y envoie une copie du Game Boy Advance. Ouais, c'est live devant 200 témoins. Ouais, let's go, ouais. J'aime ça, les affaires, c'est le fun. Moi, j'ai le modèle SP ici, et j'ai également le Game Boy Player qui se branche sur la GameCube. Ben oui, c'est le best. C'est le mais best. Pour le GameCube, là, fallait que tu ailles l'espèce de base, là. Mm-hmm. Oui. Après ça prenait en plus un CD. C'est ça. Oui. Ouais, ça, c'est fatiguant. Tu la base, c'est pas suffisant? Non, c'est parce que vu que le GameCube n'était pas pensé de base pour le Game Boy Player, ouais. Ils n'ont pas pu insérer un software à l'intérieur. Donc, et vu que tu n'as pas de carte mémoire à l'intérieur, donc tu n'as pas le software qui s'intègre automatiquement. Donc, c'est la raison pourquoi tu as un CD. C'est juste gossant là, d'avoir le CD. Effectivement, ouais, je suis sûr qu'il doit avoir une méthode de pas bypasser. C'est une moindre... Aster, tu as un GameCube juste pour ça, là, je veux dire... La plupart du monde ont une Wii qui est capable de jouer les jeux de GameCube. Ah, mais il y a certains, ouais. Y a certaines Wii à cette heure qui ne jouent plus les jeux. Ah, mais les nouvelles, là, mais ceux qui ont les Wii première génération comme moi, le GameCube, ça sert juste pour ton Game Boy Player. Oui, effectivement. Mais moi, je garde encore ma GameCube, elle marche super oui. Bien. Puis, Moi aussi, parce que c'est. De toute façon, il y a aussi la. De toute façon, la GameCube load les jeux de GameCube plus vite que la Wii. Hein? Hein? Oui. Non. Non. Non, pas en tout. Non, moi, c'est la même affaire. Même affaire, moi, ici. Moi, ça l'a plus vite. Je vois pas comment, là, parce que... Ok, d'accord. Trouvez-moi une vidéo d'un gars qui load une Wii et un GameCube. Je veux voir ça. Mais sérieux, on va commencer avec le mod, avec la Game Boy en tant que telle. Qu'est-ce que vous aimez de la Game Boy Advance? Mais c'est comme dans le temps quand c'est sorti, c'était comme genre un Super Nintendo portable que le monde le voyait. Parce que c'était des jeux 16 bits, mais un petit peu plus haut que les jeux 16 bits. Puis c'est ça qui a attiré, parce que la plupart des nostalgiques comme moi dans le temps, hein, parce que j'avais comme arrêté de checker Nintendo un peu. Puis quand j'ai vu le Game Boy Advance, j'ai fait, hein, c'est vraiment cool ça. Puis. Toi, quand tu l'as eu, le premier feeling que tu as eu, c'est comme, c'est vraiment du Nintendo, du Super Nintendo dans la main. Là. Torche en esti, ça, puis elle est topper. Hein? Elle est topper. Ouais, puis je me souviens pas que c'est quoi les jeux qui sont sortis à la sortie de ça, je me souviens plus c'est quoi exactement. Bon, t'avais, je pense, un Mario également. Ouais, c'était le Super Mario Advance qui était Mario Bros. 2, là. Merci. J'en reviens à Golden Sun. Metroid Fusion, je pense. Metroid Fusion est sorti. Ah oui, ben oui. Je l'ai eu en même temps que Metroid Prime. Zelda Link to the Past. Link to the Past, sorti la version de Game Boy Advance en 2014, fait que non. Minish Cap également dans ce coin-là. Shit, bonne question. Excusez-moi. Ah, t'es souhait. Ok, mais c'est ça, il y avait une bonne petite librairie qui était sortie, puis au fur et à mesure, il y avait énormément de jeux qui sont sortis, puis on va vous en jaser un peu plus tard. Selon vous, ok, c'est quoi les arguments en ce moment, en 2014, pour acheter une Game Boy Advance? Ben, la librairie de jeux est énorme, puis en plus, il n'est pas region locked. Il n'est pas region locked? Non. Non. Oh, nice! Non! Ça veut dire que je joue au jeu japonais puis parle dessus. Nice! Puis ça aussi, il faut penser au fait qu'elle est très rétro-compatible. Oui, ouais. Game Boy. C'est ça, on peut jouer même. Écoutez, j'ai joué à Tetris l'autre jour sur mon Game Boy Advance. C'est supposé à quel point c'est rétro-compatible. Ben oui, c'est ça, là. C'est une librairie de jeux phénoménale, là. C'est débile, là. Je veux dire. Et c'est un des seuls Game Boy qui a un écran, je parle de la SP et du micro, qui ont un écran rétro-éclairé. Oui, oui, merci. Parce qu'avant, c'était des petites lampes qu'il fallait que tu accroches dans ta Game Boy. Oh, c'était de la merde. Tu voyais de la merde. C'était mauvais. Alors, si tu veux un Game Boy Advance, faut aller chercher un SP, il n'y a pas de doute. Là. Oui, effectivement. Les jeux que vous avez joués là-dessus, c'est lesquels que vous vous souvenez qui étaient bons? Metroid Fusion, déjà important. Merci beaucoup, effectivement. Moi, j'ai beaucoup joué à Golden Sun. C'est vraiment le plus marquant pour moi sur cette console-là. Sinon, je joue beaucoup au jeu Game Boy Color parce que j'avais pas de Game Boy Color, donc j'en avais plein tout d'un coup. Moi, de mon côté, écoutez, le Mario Kart là-dessus, vraiment bon. Je pense que c'était pas dans celui-là qui avait repris des premières pistes. Je pense que c'était dans celui de GameCube. Mais les pistes là-dedans sont très difficiles. Puis il est vraiment bon ce Mario Kart-là. Sinon, à part ça, les jeux qui ont peut-être les remakes du jeu de Super Nintendo qui sont là-dessus. Je pense à Donkey Kong. La plupart des Mario qui sont apparus sur Super Nintendo sont apparus également sur Game Boy Advance. Oh, oui. Zelda de Minish Cap. Oui, très bon. Puis, excellent. Dans les jeux japonais, ben, vous allez rire de moi encore, là, mais Dragon Quest Monsters, Caravan Hearts. Oh! Ah! Je pensais que t'aimais pas ça. Écoute, tu me surprends, mon ami. Écoute, mais non, c'est vrai, c'est très très bon. Il avait même refait une série de jeux de jeux NES qui étaient ressortis sur la Game Boy Advance. Ouais, ça c'était bizarre ça. J'en ai ici, j'ai cite le Zelda en boîte complet. Ouais, j'ai le Castlevania. Ah oui, puis les Castlevania aussi sont là-dessus, sont écœurants. Ben oui. Circle of the Moon. Circle of the Moon, je l'ai trouvé un petit peu dur à jouer, sérieux là. Parce qu'après avoir joué à Symphony of the Night. Là, tu te pognes Circle of the Moon, c'est comme gameplay comme ça. Un gros downgrade, c'est sûr, mais c'est parce qu'en même temps, c'est aussi un autre système. Ouais, mais après ça, c'est sorti avec Harmony of Dissonance. Mm. Ah, là, tu parles. Sinon, à part ça, comme jeu, il y a aussi. Excusez-moi. Super Street Fighter 2, qui est la meilleure version sur Game Boy Advance de Street Fighter. Catégorie. C'est vraiment un excellent jeu. Les remakes de Final Fantasy. Ah oui. Oui. Ouais, c'est plus des ports. Mais c'est des ports, oui, mais ils sont très très bons. Il avait fait Final Fantasy Origins là, comme au PlayStation. Il l'avait remis sur le 1 puis le 2 là, sur Game Boy Advance. Mm-hmm, c'est puis, vrai. Je pense que ça avait un autre titre, là, par exemple. Dans Souls. Ouais, puis il avait rajouté genre des donjons spéciaux puis toute la kit. Ouais. Fire Emblem, qui a commencé sur le Game Boy Advance. C'est une grosse série RPG qui a commencé là-dessus. Sinon, il y a également... C'est quoi ce bruit-là? Excuse, c'est moi qui tapais. Ok, ouais, je me demandais c'était quoi. Ça a brassé dans le micro. Là. Sinon, rapidement, il y avait plein de petits jeux qui sont intéressants. Il y en a un accro qui m'a fait découvrir ce jeu-là sur Game Boy Advance, c'est Lord of the Rings The Third Age, qui est, normalement, si vous vous souvenez de la version qui est sur les consoles maison, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Final Fantasy, mais sur Game Boy Advance, ça ressemble énormément à Fire Emblem. Donc, un RPG tactique avec une map que vous devez déplacer votre personnage sur la map. C'est cool, c'est, ça. Ah, c'est vraiment bon. Puis, c'était... aussi très très intéressant à l'époque d'avoir une console de jeu qui avait également des animations vidéo. C'était rare. Ouais, c'est vrai. C'était rare. Il y avait quelques jeux qui en avaient. J'avais juste Spider-Man qui l'avait. C'était de Spider-Man comme de movie. Puis il y avait l'animation de quand Spider-Man il se déplace dans le film autour des buildings. Tout. C'était vraiment bien fait. Ça, j'étais vraiment impressionné là-dessus. C'était vraiment cool. Moi, je me rappelle de Lord of the Rings que tu avais la cinématique de départ. Ça venait vraiment des images du film. Quand tu parles d'une cassette, là, ça grosse, là, vraiment pas gros, là, je vous dirais même pas 7-8 cm là, par 2 cm. Là. C'est vraiment intéressant comment il y avait de la puissance à l'époque dans cette cassette. Les cassettes, c'était le best. Oui! C'est plate que ça existe plus. C'est tellement beau. C'est... On s'attache pas mal plus à une cassette qu'à un CD. Je partage ce que Tester vient de dire tout à 100%. Il n'y a rien de mieux que prendre une bonne vieille cassette de Nintendo, la calisser dans ta console, puis de la peser dans le bas, puis faire du power, puis dire « Man, là, je game, esti. » Tu sais, quand tu échappes ta cassette, tu n'as pas en tête l'idée « Asti, j'ai scrappé le CD. » Ah non, j'ai fait un scratch. C'est pas scrapable, une cassette. À moins que tu la mettes dans le feu et que ta pitch va dans le four. Hey. La mettre dans la souffleuse, là, quasiment. Là, sinon, elle va marcher. Là. Faut que je vous raconte de quoi. Ouais, bah. Il y a quelques mois, j'étais allé chez mes parents. Puis, ils ont fait le ménage dans la chambre où j'étais auparavant. Mon beau-père, il me dit, « Écoute, Ben, j'ai retrouvé une vieille cassette de Nintendo. » Je fais, « Ah ouais, tu l'as retrouvée où? » « Ben, elle est à côté du caille. » Ok, je check, la cassette est jaunie un peu. La caille électrique, là? Ah, rien qu'à côté d'un caille électrique, genre sur le côté, là. Okay. Oh boy, ok. Je l'ai fait embarquer dans ma NES, ça fonctionne. Bon. C'était quoi le jeu? Mario Bros. Ok. C'était Mario Bros. J'en ai quelques-unes de Mario Bros. C'est à maison, fait que, tu sais, c'est comme ça me dérangeait moins, là. Mais j'ai fait comme, ok, ça fonctionne encore, tu sais, à rester proche de chaleur, puis... Ça fonctionne correctement, je sais pas pourquoi on était là. Peut-être Mais ils l'ont dit ni froid ni chaud. J'ai une connaissance en Suisse Il m'a dit qu'il a déjà perdu. Elle est bonne, celle-là. Il a déjà perdu. je ne sais pas. Écoute, je sais pas comment il a fait son coup, mais il a déjà perdu une cassette de Tetris dans un banc de neige. Okay. Un tas de neige, là, il l'a perdu là-dedans. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il est allé faire avec sa cassette de Tetris dans la neige, là. En tout cas, il l'a perdu là-dedans, puis là, ben, il la retrouvait plus. Fait qu'il a attendu tout l'été, puis arrivé à l'été, le banc de neige a fondu, il a retrouvé la cassette, man. Il a à peine frotté les pins, il l'a remis dans sa nest, puis ça fonctionne encore. Ouais. j'en revenais pas, là. J'étais comme, quoi, man? Il passait l'hiver dehors, fondu. Jamais ça va. Ah ouais, je comprends pas. Regarde. Puis moi, je pense tellement au monde qui sont en train de jeter des cassettes, là. Tu sais, il y a du monde qui jette des cassettes, des jeux, n'importe quoi, là. Puis tu fais comme... OK, là, genre dans 100 ans, là, le monde va commencer à déouterrer pour aller chercher les rares ressources de la Terre, là. Ils vont chercher ça dans les... Puis ils vont trouver des cassettes. Ils vont se faire des armures avec. Non, mais c'est dommage parce que le monde réalise pas que ça vaut quelque chose. Il y a bien du monde qui sort ça, genre, oh, vieux Nintendo, bah. Oh, ouais, man, ils savent pas en tout c'est quoi. Hein. Ça se trouve dans les poubelles, là, quasiment, les affaires de même. Ils sont malades. C'est fou, là. Puis là-dedans, ouais. Là, des fois, là, t'as des affaires, ça marche plus, mais des fois, c'est rien, là, ce qui est brisé dedans, là. Ah, des fois, c'est juste un fusil, puis c'est juste une petite affaire à réparer, là, puis le monde ne comprenne pas. Absolument. Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est comme, vraiment, là, c'était pas tuable, ces cassettes-là, puis pour ce qui est du Game Boy Advance, c'était très, très solide aussi, les cassettes, là. Ben c'est pour leur petite taille, ça pouvait toffer à peu près n'importe quoi. J'ai pas essayé de piler dessus. Si je trouve un jeu merdique, je pilerai dessus, je vous en donnerai une nouvelle, là. Mais tu vas casser le casing, mais pas le board dedans. Non, ouais, c'est ça. Oui. ceux qui se souviennent pas également, il y avait aussi des vidéos, des cassettes d'émissions. Oui, il y avait Ninja Turtles, je pense, puis... Pokémon. Pokémon. Donc, ceux qui comprennent pas ce qu'on est en train de dire, c'est que il y a un épisode d'une émission X, comme par exemple les Pokémon, que vous rentiez dans votre Game Boy, puis vous pouvez écouter l'émission sur votre Game Boy. Sans problème. Mm-hmm. Puis c'est des vidéos de bonne qualité en plus de ça. Mais ça, j'ai pas... Ouais, l'image était correcte pour un Game Boy, on s'entend, là. Le pixel, il est là. Mais ça avait de l'allure. Puis il n'y avait pas de lag, il n'y avait pas de... Tu sais, ça se loadait rapidement. C'était vraiment cool. Puis le son était pas pire. Oui. Relativement, pour du mono, là, ça avait de l'allure. De mémoire, oui, c'est ça. C'est pas fiable. Mm-hmm. Mais moi, j'ai une question pour vous autres. Oui, vas-y. Avez-vous joué à Zelda Four Swords Adventure sur GameCube avec les Game Boy Advance comme manette? Non. Oui. Moi, oui. Oui. Mais tout seul, je sais. Seul, oui. Pas joué en gang. Plate, là. Ouais. Moi, je m'étais acheté deux autres Game Boy Advance juste pour ça. Okay. Et juste pour qu'on puisse jouer au moins à 3 à ce jeu-là. Puis je peux vous garantir que ça torchait, mon gars. À 3, là, c'était génial. Ben, c'était moi, j'ai hilarant. Joué à Final Fantasy Crystal Chronicles. Ça aussi. Avec tes Game Boy. Mais c'est sûr que c'est plate, fallait que tes chums aillent tous des Game Boy Advance, là. Mais bon, moi, j'avais prévu le coup, j'en ai acheté d'autres. On a joué une fois, puis bon, écoute, ben, la partie, c'est vite fini, hein. Ouais, mais après ça, on a passé le jeu comme on a passé la soirée à jouer à ça, puis on a passé le jeu complet. Là. Ouais. Après ça, on n'a plus jamais rejoué. Oh. Fait que j'ai revendu mes Game Boy Advance, coup d'un. Ben, regarde, grâce à ça, au moins, t'as pu expérimenter ce jeu-là. Mais, ouais, mais c'était comme un. Comment je pourrais dire ça? C'était comme une vision du futur de ce que Nintendo allait faire avec sa Wii U. Effectivement. Oui, tout à fait, avec l'idée d'un deuxième écran. Oui, puis le 3DS, puis DS avec ça. Mm-hmm. Effectivement. Moi, je me souviens également, à l'époque, il faut faire très attention si vous achetez des cassettes de jeux. Ça peut arriver que vous ayez des copies. Oui, il y a ce petit faux jeu, là. C'est facile à acheter. Il y en a énormément sur le marché. Faites attention lorsque vous allez acheter des vos jeux. Ça se peut fortement vous acheter une copie. Ouais. Donc, on fait attention quand on va dans les marchés aux puces. Oui. Ouais. Mais je vous dirais que c'est quand même facilement. C'est facile de le reconnaître. Ouais. Si votre cassette a de la misère à rentrer dans votre Game Boy, mm-hmm. c'est un signe. Oui. Parce que normalement, ça rend fluide, devrait pas avoir de problème. L'idée, c'est d'apporter votre Game Boy avec vous autres si vous allez au marché aux puces, puis de l'essayer, ouais, l'essayer avant de l'acheter. Ouais. Je veux dire, ça se voit des fois aussi, il y a des jeux, tu te dis, il n'y avait pas ça sur le Game Boy Advance, là. Tu sais, comme j'ai vu au marché aux puces, ici, au Jean Talon, il y avait New Super Mario Brothers pour la Game Boy Advance, puis le gars, là, il me disait, oh, ouais, ce jeu-là, il est sorti sur Game Boy Advance. Je disais, on va pour qui, là, tabarnak? Pas un noob. On a une question par rapport, je pense que c'est Trinity qui nous demande, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des boîtes pour les cassettes de Game Boy? Oui. Ah oui? Mm-hmm. J'en ai chez nous, c'est des petites boîtes de plastique, puis c'est Giga qui me les a vendues. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux les rattacher ensemble pour faire comme un rack à cassette. Non, mais tu peux aussi acheter des boîtes de DS sur le site de Nintendo, puis il y avait la slot pour les jeux de Game Boy Advance dedans. Oui, c'est vrai. Nice. Ben là, ils font plus, là, mais avant, il y avait ça. Pareil, écoute, ils l'ont, eux l'ont fait. C'était vraiment cool. Les jeux que vous déconseillez sur cette console-là? J'en ai quelques-uns, là. Ben, tous les jeux de films, puis... Ben, Lord of the Rings, je vous dirais, par exemple, il est bon, là. Et Lord of the Rings, ils m'ont étonné. Et en passant, Alpha, oui, une version de VIP sur Game Boy Advance. Ah! Je veux pas le savoir. je voulais juste enrichir ta culture. Je sais. Mais sinon, m'a rapidement en tête, avec tous les jeux de Yu-Gi-Oh! Là-dessus, là. Il y en a une chier. Il y en avait beaucoup quand je jouais dans le temps. Il faut que t'aimes ça pour jouer à ça. Ouais. Mais moi, je jouais à Yu-Gi-Oh! Dans le temps. Là. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Puis je suis comme... Il y en avait beaucoup. Puis il était pas comme... Mortal Kombat. C'était le bonhomme à affronter. Puis... Mortal Kombat Advance, c'était de la merde. Là. C'est vrai. Je m'en rappelle. J'avais Army Man sur Advance. C'était très, très mauvais. Middle si of vous avez Honor. Aimé Army Man, il y avait un Medal of Honor. Oui, deux Medal of Honor. Puis le jeu est fait en vision de haut. Tu promènes ton bonhomme, mais genre si tu manges 3 balles, t'es mort. Yeah. C'est game over là. Puis ouais, puis t'avances lentement. C'est plate. J'avais un jeu GT Advance. C'était un peu comme Gran Turismo sur Game Boy Advance. Mm-hmm. Puis je l'avais payé comme 5$ à un gars qui me l'avait vendu. Puis. Finalement, ça valait même pas 5$, c'était dégueulasse. Là. C'était pas amusant pas en tout. Il y avait également Dynasty Warrior sur Game Boy Advance. T'avais même. Tu sais, Dynasty Warrior, ce que tu cherches dans ce jeu-là, c'est tuer le plus de bonhommes possible. Exact. T'sais, t'as des vagues qui sont censées arriver devant toi, puis t'es capable de les éliminer tout seul. Mais dans le. Même temps que dans le Advance, c'est tactique, ça se peut-tu? Non, faut tu peux promener un peu comme tu veux, mais tu cherches ton monde. Tu cherches tes bonhommes à tuer. Ben là, c'est quoi le c'est? C'est le contraire de Dynasty Warrior, là, sérieusement. Là, t'es comme. Ah oui. Ah! Calice! C'est vraiment plat. Sinon, rapidement, il y a d'excellents autres jeux. Écoutez, tous les jeux de Nintendo là-dessus, c'est bon, vraiment pas mal bon. Top, là, hein? Il y avait peut-être juste Donkey Kong. Fallait que tu bouges le. T'avais comme un. Celle-là. Mario vs Donkey Kong? Non. S'il fallait que tu bouges le Game Boy Advance, t'avais comme un module que tu rajoutais, qui venait avec la cassette. Puis là, ça servait comme un peu pour tourner l'écran. Puis là, tu bougeais Donkey Kong de même, genre. Ok. T'avais également ça pour un jeu de Kirby, là, Kirby Pinball. C'était sur Game Boy Color, celui-là, non? Kirby, comme tu bougeais l'écran, puis... Ouais, ça, mais je vais essayer de le retrouver, puis je vais vous le dire. OK. Sinon, à part ça, les jeux sont mauvais. Les collections de jeux de société. J'ai déjà essayé ça, genre Yahtzee, PD, puis Life, là. C'est quoi le principe de vouloir jouer à des jeux de board game, genre sur ta Game Boy Advance? Surtout tout seul. Ben, contre le computer. Si t'as pas d'amis dans la vraie vie, tu joues à console, regarde. Genre, je l'ai essayé dans le temps d'un magasin, puis j'ai comme fait... Oh, OK. On passe à un autre appel. On passe à un autre appel, effectivement. J'avais hâte d'avoir du monde à cette journée-là, à job. Sinon, rapidement, il y a quelques jeux... Mais la plupart des gros titres là-dessus, là, ceux qui valent le plus cher, là, je vous dirais, c'est les Pokémon. Faites attention lorsque vous achetez des Pokémon sur Game Boy Advance. C'est Emerald, Ruby, c'est ceux-là? Emerald, Ruby, puis t'as aussi les Fire c'est... Red, Leaf... les remakes de la version Game Boy ordinaire. Ouais, c'est ça. Ça monte très cher, ça va dans les 50$, là. Fait que là-dessus, ils valent un petit peu plus cher. Puis sinon, ben, vous êtes capable de trouver. Regardez, comme en ce moment, je suis sur luckygames.com. Là. Il y a des jeux qui commencent à 3$. Sur Game Boy Advance. Ouais, il y en a plein. Hein. Mm. Des jeux de sport? Non. Comme Harry Potter, Simpsons Road Rage. Ah, lui, était pas bon, par exemple. Je l'ai pas essayé sur Game Boy Advance. Non, je regarde rapidement... Star Wars, Attack of the Clones, je l'ai pas joué celle-là. Mais c'est Star Wars, c'est sûr, c'est à chier. Mais. Voyez-vous, ici, je vois Lord of the Ring Two Towers, ça ressemble un petit peu à Diablo, dans le style de jeu, là. Puis bon, celui-là, puis il coûte 4$. Bon. Fait que, non, il y a vraiment une bonne petite série de jeux que vous allez trouver très très intéressant sur la Game Boy Advance. Je vous recommande fortement. Fait que là-dessus. Je pense qu'on va aller voir notre monde. Mm-hmm. Juste une petite recommandation pour tous ceux qui veulent collectionner du Game Boy Advance. Oui. Si d'accord. Vous voulez vraiment collectionner du Game Boy Advance, il faut vous virer vers le japonais. OK. Parce qu'il y a beaucoup de jeux Game Boy Advance qui ont sorti au Japon qui sont super hot, mais qui n'ont jamais sorti ici. Puis ça vaut vraiment la peine, étant donné que la console n'est pas region locked. OK. Y avait-tu un Earthbound Mother là-dessus, ça se peut-tu? Oui. Le 3, je pense. Ah. Oui, Earthbound 3. Ouais, on l'a jamais eu ici. C'est chiant. Et y a pas une patch, hein? Y a-tu une patch pour... Oui. Et puis, y a une façon de se procurer en reproduction aussi. Ah, avec une traduction anglaise? Ouais. Ah, c'est intéressant. Fait que, rapidement, notre... La meilleure type de version pour vous, est-ce que c'est le player ou même vous allez avec le SP? Les deux. Ben, parce que tu m'as dit que c'est mon... Pour l'instant, moi, je recommande SP. Mais si SP, mettons, il pète ou peu importe, et que je peux pas en trouver nulle part, ben au moins, j'ai encore mon player. Et inversement, avec mon player, ben au moins, j'ai mon SP. Allez et chercher le... Ben, Pierre-Luc, ben, pas Pierre-Luc, mais en stade, être très malheureux. Allez chercher la version SP si jamais vous voulez avoir une Game Boy Advance. Allez pas chercher le micro. Je sais qu'il y a plein de collectionneurs qui veulent aller chercher le micro, là. Ça vaut pas la peine. Non, mais d'après ce que j'ai compris, ça se joue très bien. Puis que c'est ouais, mais il est pas rétro-compatible. Non? Ah, c'est vrai, il joue pas du Game Boy Color. Puis, non, il est pas rétro-compatible. C'est la seule affaire qui agace. C'est clair. SP all the way. SP all the way. Puis sinon, si vous êtes capable d'aller chercher... Regardez, moi, mon Game Boy Player, je l'ai pogné chez eBay Games, j'ai payé 12$. Si vous allez dans un eBay Games, si vous cherchez dans le coin GameCube, là, est-ce qu'il y en a encore des fois, là? Oui. Si vous payez 12$ pour votre Game Boy Player, allez vous en pogner un, parce que vous n'allez pas le regretter, sérieusement. C'est aussi le fun de jouer à des jeux de Game Boy Player sur une télé normale. Ça fait penser beaucoup à du Super Nintendo, comme feeling de jeu. Mm. Fait que vous allez probablement aimer ça. On va aller voir notre monde sur live en ce moment sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils jasent en ce moment sur la Game Boy Advance? Ils jasent sur les accros. Ils mentionnent aussi beaucoup de jeux qu'ils aiment, dont Castlevania Aria of Sorrow, les Final Fantasy, Dragon Quest, Dragon Ball Game Boy Advance, Advance Warfare et Virgule Fire Emblem, Mario Pinball. Ça n'a rien à dire, la Game Boy Advance. Ça soque des dicks, ça, Mario Pinball. Arc! Quand même. Ça, c'est un jeu de merde, ça, je le conseille à Tester. Telka nous fait remarquer que la GBA de Kalfa avait dans son épisode de jeu de merde de Noël. C'était le mien! Moi! Effectivement. Il y a Kevin Doré Poudrier qui demande: le remake de River City est-il très bon? Oui. Oui, il est bon. Moi, je l'ai essayé là, quand je travaillais dans un autre magasin de jeux. Puis, oui, il était cool. Je le trouvais aussi bon que la version NES. moi je trouvais là. Maxime Duclos dit que la simplicité d'usage et la qualité des jeux font que la console c'est un must à avoir. Ah oui, c'est clair. Puis que les jeux coûtent à rien, presque à rien. Effectivement. David Forger dit Sonic Battle, très très bon jeu. Pourquoi je doute? C'est vrai, je l'ai essayé, c'était pas mauvais, c'était cool. Il y avait des jeux de combat, tu sais, t'avais story mode, puis tu leur donnais des moves, il me semble, à certains personnages, puis tu te battais là, c'était correct. Sinon, à part ça. Désolé, la gang, hein, parce que je suis en train de vous regarder en même temps ce que vous écrivez. Il y a Kevin Doré Poirier qui dit qui fait une mention des jeux Starfy sur Game Boy Advance. Effectivement, c'est une Starfy, c'est un personnage de Nintendo qui n'a jamais sorti ici, mais si vous avez la chance de vous procurer au DS Legendary Starfy, puis etc., vous allez sûrement aimer. Fait que si jamais vous aimez la version DS, vous allez sûrement aimer la version Game Boy Advance. Retro Game Throwdown dit que le meilleur truc pour les fausses cassettes, c'est de se pencher et regarder sur les connecteurs dans la cassette. Il devrait y avoir un tag Nintendo sur les originales. Alors, regardez vos cassettes. Moi, j'avoue, j'en ai pas une devant moi. Mais ça a l'air qu'on peut voir un logo de Nintendo à l'intérieur. À l'intérieur, le logo de Nintendo? Ouais. Dans le connecteur. Ouais. Sinon, à part ça. Trinité a dit qu'il y a plusieurs jeux à 3$ dans un pawn shop à Verdun. Faudrait faire un tour à Verdun, hein? Des jeux de sport. Non, mais hey, c'est drôle, j'étais allé sur Lucky Games, puis genre, je regardais genre NHL 2002, puis ils te vendent comme 25$. $25? Ouais. Petit jeu de sport, hein, merde. ça continue à se faire produire, ces cochonneries-là, man. Mais il y a un marché pour ça. Ouais. Je connais du monde à ma job qui achète les NHL à chaque année, ok? Ouais. On les met-tu dans les fours? Ça, on les connaît tous, ceux-là. C'est correct, regarde. Il y en a qui achètent Call of Duty à toutes les années, aussi. C'est ça. Excuse-moi. C'est pas mieux. Fait que là-dessus, sinon, à part ça, je crois que ça finit. Ils disent qu'il y a deux versions de la SP, il faut faire attention. Je savais pas qu'il y avait deux versions de la Game Boy SP. Ah bon? Moi non plus. Ça m'étonne. Je vais vérifier sur Google. C'est Maxime Duclos qui nous dit ça. Alors, notre chat. C'est quoi qu'il y a de différent, comparable les deux? Sais pas, je dois t'avouer. Il faudrait que je regarde rapidement. On va regarder ça rapidement, les accros. Entre-temps, Antithèse, comment on peut te contacter sur les internets? Entre-temps, on peut toujours me contacter sur antythes@yahoo.ca ou gmail.com. Sur Twitter, c'est antithèse. Oui, c'est vrai. S-A-Y. Mais la meilleure façon demeure sur mes chaînes YouTube ou TAC TV, ou encore, plus meilleur encore, sur accrodesjeux.com, sur le forum. Jog, tu trouvais quelque chose par rapport à... Oui, c'est vrai, j'espère que je m'en souviens puis que j'ai vu la mention. Il y avait les premiers étaient frontlit puis les nouveaux ont été backlit. Ah, d'accord. Je vais y aller avec Jog. Comment on peut te contacter sur Internet? Par le site d'acrodesjeux.com, par ma page Facebook, par mon channel YouTube et par ma super belle personnalité. Ah, très très accueillante en passant. Luc Biron va pouvoir te le dire. comment on peut te rejoindre sur les internets avant que tu disparaisses pour 3 mois? Hey, tu le sais pas, ok. Excusez-moi, j'ai tendance à te taquiner dans le national. Comment me rejoindre? Je serai là dans 3 mois. Non, c'est... ouais, c'est ça. Attendez-moi la prochaine fois, c'est tout. Vas-y. C'est le 1er janvier, le 8 janvier que je vais être là. Non, c'est... c'est sur mon Twitter, ReviewerCE, sur mon Facebook, ReviewerCE, ReviewerCE à commercial@hotmail.com ou ma chaîne YouTube Classic Game Reviews. Quand est-ce que tu as une prochaine critique? En fin de semaine. J'ai eu des problèmes. J'avais tourné mes scènes. Finalement, j'avais oublié le CD qui avait les scènes de jeu dessus. Donc, j'ai pas pu les importer. Donc là, je l'ai mis dans mon ordinateur et ils ont tous été effacés à cause d'une espèce de cochonnerie qui disait « Transformez votre CD en clé USB ». J'ai tout perdu. Donc, j'ai tout dû refinir le jeu. Et je vais travailler ça en fin de semaine. Ah là là, les mises aventures de CE. Seulement disponibles sur accrodesjeux.com. Alpha, comment on peut te rejoindre sur les internets? La meilleure façon reste le forum des accros des jeux. Sinon, vous tapez Testeur Alpha soit dans Google, soit dans Facebook, soit dans Twitter, soit dans YouTube, ou soit dans Google, comme vous voulez, puis vous allez me trouver. Fait que, en principe, c'est facile de me trouver. Génial. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez me contacter via le courriel des accros des jeux, accrodesjeux@commercial.gmail.com. Il y a également le Twitter des accros des jeux, @commercialaccrodesjeux. Il y a également le Facebook des accros des jeux. Et il y a quelqu'un d'intéressant qui est venu nous proposer quelque chose. Je veux me partager ça avec vous autres des accros. Vous savez comment j'adore comment vous partagez les choses sur le Facebook des accros. En ce moment, on a un Tétome Jérôme. Coucou. Je viens de découvrir le site de jeu gratuit le plus rémunérateur du web et le plus fun. Tu pourras gagner facilement des cadeaux ou de l'argent en t'amusant. Dès ton inscription, ils t'offriront 20€ pour remporter de magnifiques cadeaux. Oh! Avec la veste que tu mets en plus, c'est priceless. Là. Alors, inscris-toi vite en cliquant sur mon lien de parrainage. Un lien de parrainage, super. Merci Jérôme. Tu sais quoi? Tu viens d'embellir ma journée sur le Facebook des accros. Alors, si ça tente de venir embellir la tienne, va sur le Facebook des accros des jeux.com. Yes, c'est facebook.com/accros des jeux. Il y a également le site internet des accros des jeux, il y a le forum, allez faire votre tour, j'y passe quotidiennement, lorsqu'il y a des nouveaux topics, j'essaie de jaser rapidement. Je suis désolé, j'étais un petit peu moins présent la semaine passée pour des raisons personnelles, mais la plupart des accros est là tous les jours de la semaine. D'habitude, on a tendance à venir faire notre petit tour une fois de temps en temps. Et Marie-Lune, comment on peut te rejoindre rapidement sur les internets? Et je viens tellement de l'avoir d'ailleurs une minute que ça tend à rien. T'es là. C'est bon, la caméra! Oh. Ben, viens de mon bord! Marie-Lune! Ok, on peut me rejoindre via courriel, blog de Marie-Lune à commercial@gmail.com, sur Facebook, sur YouTube, sur mes deux chaînes, sur le forum d'accrodesjeux.com et sur le site d'accrodesjeux.com. Voilà! Nice! C'était le podcast des accros. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était le Big Ben. C'était Antithèse. Juste un gamer. Testeur Alpha. Et c'était... Pour le podcast des accros, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Soyez avec nous autres la semaine prochaine, car on va parler d'un jeu mythique, Conquer Bad Fur Day. Oui. Oh yeah. Bye. Bye tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye. Je fais des bye-bye.